censés avoir un micro, on a un mégaphone. Bon, on fera avec, hein. Alors, chers amis, stéphanoises, proches, nous sommes réunis aujourd'hui dans la peine et l'affliction. Nous avons appris, comme vous, ce matin, le départ de notre mère, de notre chère mère, Gaëlle Perdriau. Nous nous joignons à sa famille et ses proches pour l'accompagner dans son dernier voyage. Gaël aimait les bons mots. Il avait tenu à rappeler que les extrêmes gauchistes qui manifestent tous les mois sur le parvis de l'hôtel de ville n'étaient pas des Stéphanois normaux. En mémoire de sa pensée aiguisée, clairvoyante et perspicace, nous ne nous joignons pas, mais alors pas du tout, à ceux et celles qui se réjouissent de ce départ si soudain, de cette perte si désastreuse pour l'ensemble du bassin stéphanois. Celles et ceux qui ce soir célèbrent à coups de pain surprise et de vin chaud doivent avoir honte, car c'est la France entière qui est accablée par le poids du deuil. Tout le monde savait qui était Gaël. Qui a dit bolos ? Gaël était un battant, un acrobate et un artiste. Et un héros ! Et un héros ! En septembre, il avait réussi l'exploit de marcher plus d'une semaine entière sur un fil, presque sans jamais flancher. Mais même les funambules les plus expérimentés tombent parfois. Au jour de son jugement dernier, alors qu'il gît au sol, affublé de l'infamante étiquette de délinquant, détourneur de fonds, maître chanteur et malfaiteur associé, nous avons une pensée émue et respectueuse pour sa ténacité, sa capacité à agir en toute discrétion depuis 2014, puis à lutter contre son destin tragique pendant de longs mois depuis l'été 2022. Gaël est irremplaçable tant il était un être unique qui surnageait au-dessus de notre médiocrité. Néanmoins, nous savons que Saint-Étienne aura bientôt l'immense honneur de bénéficier de talents aussi étincelants que ceux de Jean-Pierre Berger, Siam Labiche, Marc Chasseau-Bénet ou Pascal Lacour. Qu'importe, celle ou celui de ces 32 soutiens les plus fidèles qui reprendra le flambeau, nous savons qu'il ou elle saura faire perdurer l'étincelle qui brillait dans les yeux de Gaël, tant ces augustes personnes l'ont porté et soutenu jusqu'au dernier souffle. Si longtemps conspué, lourdement condamné, maintenant désingué, les Stéphanoises et Stéphanois ici présentes se recueillent en ta mémoire avec toute la pudeur et la sobriété requises en ces moments tragiques. Nous laissons maintenant la parole à tes collègues qui tenaient à saluer ta mémoire. Comme dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture, voilà, c'est ça. On ressort ce soir le discours qu'on avait écrit à l'occasion du premier pot de départ, qui se tenait le 26 septembre 2022, et donc on l'avait intitulé « Pour Gaël ». Ouais, je crois, parce que ça ne voit pas trop. Après 11 années de travail acharné pour faire valoir l'attractivité de Saint-Étienne, nous tenons aujourd'hui à te remercier pour tout ce que tu as mal fait dans cette ville. Nous ne pourrons citer tous les sévices que tu as rendus à la collectivité, mais nous tenons à citer quelques-unes de tes réalisations qui, à coup sûr, passeront à la postérité stéphanoise. Nous pensons tout d'abord à cette formidable relation que tu as su entretenir avec les investisseurs de tous bords. Merci de leur avoir permis d'acheter notre ville pour la défigurer et la standardiser, faisant d'elle une banale cité dans la course des métropoles canons. Merci d'avoir permis le remplacement des vieilles pierres par des parpaings de standing. Merci d'avoir dépensé des millions dans la cité du désastre, enclave design et inutile dans la ville. Merci d'avoir porté la construction d'un projet du passé et complètement dépassé avec le lancement de Style et le cadeau fait à Absis, son promoteur. Merci pour la privatisation du soin à nos anciennes et nos anciens, avec les cadeaux faits à Pierre et Vacances pour sa résidence, les Seigneuriales, pendant que les EHPAD municipaux se délabrent. Merci d'avoir attiré Google jusqu'ici pour qu'on puisse bénéficier de son éducation au numérique en toute impartialité. Son atelier est maintenant fermé, comme les associations de pratiques numériques que tu as fait crever. Merci d'embourgeoiser Saint-Étienne avec la foncière Tompaz et sa résidence étudiante de standing. Merci enfin pour la tentative d'installation de micros dans nos rues en partenariat avec Serenicity et le fabricant d'armes Vernet Caron. Tu as su faire du business sans oublier les valeurs consensuelles du sport. Merci pour l'accueil d'événements sportifs, Euro 2016 et Coupe du Monde de rugby de 2023, dont la démesure et le ringardisme de leur barnum n'a d'égal que la vétusté des équipements sportifs de cette ville. Merci de maintenir sous perfusion de millions d'euros publics l'aéroport d'André-Dieu-Boutéon pour pouvoir accueillir les officiels de ces événements. Merci pour le grand surarmement de la police municipale, couplé au grand déploiement de la vidéosurveillance. Nous pourrons nous délecter en ultra HD et en slow motion du top 10 des meilleures violences policières grâce aux 300 caméras supplémentaires que tu as fait installer depuis 2014. Merci d'avoir voulu dépenser 360 millions d'euros métropolitains pour le déroulé d'une bande d'asphalte détruisant terres agricoles et biodiversité. Merci pour ta ténacité et ta défense du projet DA45 en étroite collaboration avec Vauquier, l'intolérant, et Vinci et sa fiscalité optimisée. La cerise cyanurée sur le gâteau, le maire de tes mandats, n'aura été autre que ton époustouflante réélection de 2020. Disons plutôt, c'est un raz-de-marée humain de, attention, 14 139 personnes qui t'a réélu dans une ville de plus de 170 000 habitants et habitantes. Une personne sur 10. Il faut croire que ta com déployée à grands millions n'a donc pas suffi. Les bâches annonçant les multiples démolitions, la mise en scène huilée du magazine de la ville, les pubs à la gare de la Part-Dieu, l'ouverture du grenier des projets rue Louis Braille ou encore tes passages sur les plateaux télé de Bolloré auront mis à jour ton ambition et ton leadership innovant. Parmi tes qualités professionnelles, nous louons tes maîtres mots, constance et loyauté, qui se traduisent notamment par ton obsession pour le pognon et ta tendance à le partager avec les plus proches collaborateurs. Le racket quotidien des Stéphanois et Stéphanoises lié à la généralisation du stationnement payant, le trucage de marchés publics, le détournement massif de subventions associatives sont à coup sûr des méthodes qui ont permis d'asseoir ton empire financier et celui de ta clique. Nul besoin de t'encourager à garder cet argent, tu as déjà pris les devants en te contentant d'une mise en retrait de la présidence de la métropole en conservant tes indemnités mensuelles. Bravo Gaël, elles sont volées. Mais la plus belle de tes réalisations, petit cachotier, tu l'as faite il y a 11 ans. Quel n'a pas été notre bonheur d'apprendre que tu t'étais lancé discrètement dans la production cinématographique amateur. Un formidable gestionnaire comme toi, doublé d'un artiste au cœur sensible. finalement, ton mandat s'était achevé avant même de commencer, dans les cendres de ta carrière artistique. Cela fait donc des années que tu as volé ta légitimité. Bravo pour ta démission et mauvais vent décadent. Et maintenant, on va pouvoir boire un petit coup à ta santé. Comité des fêtes, pipi pip. Merci, vous avez été super.